soir si le dicton c'est qu'on les baisse. J'viens gifler le rap avec la patte d'un lion d'éther. J'suis sur mon étoile et j'envoie une carte à Maro. My brother in 3 months, Miami, this is my home. J'ai un putain de gilet pare-balles, un 44 pour te fumer. Passe le bonjour à ton papa. J'viens tout niquer dans le rap, j'arrive en drive-by. Nos couilles ont une valeur inestimable. Et c'est grave pas un avenir étroit pour qui cela s'étend. Mon beau côté te dit je t'aime, mais l'autre appuie sur la détente. Tenté, ganté, devant chez toi, campé. Clic, clic, bang, j'me mouille pas, j'suis déjà trempé. Rampé, gagné, tel est mon avenir. Mais j'suis toujours le même, j'me ferai fumer sur mon navire. Oui, nous sommes fidèles. On compte bien le rester, j'attends mes disques d'or, je suis déjà platine au respect. Tous pareils pour tout ce que tous appliquent. Rien que les filles je côtoie en plus de couilles que tout ta clique. Je suis toujours le même, oui bonjour, c'est comme moi chaleur. Ne détends pas mes frères comme Kenza la salope. Vois-tu, je suis pas sous le savier, t'es pas. Le brolique te crie dessus, une écoute t'épargne. Oui je suis comme mes frères, mon passé recouvert de plus. Mes ennemis font des cauchemars de moi, vos mères les putes. Je sirote au Dallas, je m'endors avec des grosses frappes. Je me lève dans un palace, mes potos reviennent d'un go fast. L'oseille ne mourra pas, mes amis prennent à la tonne. Trois pas le litre, on pas qui ça vient direct de Nador. Monde de connards, je sais, devant les cons des tabois. Laissez-moi me perdre, j'fais des bracos, le monde est à moi. J'suis toujours le même, c'est gravé sur le CD. La crime, combien d'affaires, on est le CD. Cité, cité.